Et on a écrit les paroles pour vous aider. Alors, vous savez lire ? Lo. Lo. Lo. Lo. Lo. Il y en a qui connaissent, quoi ? Alors, donc, je vous disais, vous nous aimez bien, mais il y a des gens, ils nous aiment pas forcément, mais c'est normal, on peut pas aimer tout le monde. Alors, ils nous disent comme ça, tant Adèle, c'est pas tendance, ça manque de punch, chanson Jones. Ah ouais, arrête de te faire mal, arrête de te faire mal. Alors, on a fait une chanson tendance, que tout le monde connaît. Oh ben, on se casse. Allez, ciao, oh. Merci, au revoir. On sert plus à grand chose maintenant, bravo. Comme on est un peu vieillot quand même. Ouais, je rigole. On a mis du flutio dedans. Ah, ça fait. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. On accélère un petit peu. La la la la la la la la la. C'est bien, c'est bien. La la la la la la la la la. Allez, oups. Déjà à l'école, on se moquait de moi. J'étais nul en maths et en sport, je vous raconte pas. Y'avait qu'une matière où c'était pas mauvais. C'est la récréation quand on jouait aux osselets. J'étais la bête noire de mon instituteur. Au fond près du poêle, j'appréciais la chaleur. Quand il me parlait, c'était d'un ton moqueur. Et vous, la tante Adèle, vous serez collé 4 heures. Moi, je m'en fous, je joue du flutio. Parce que tout le monde veut jouer du piano. Ouais, je m'en fous, parce que le flutio, j'ai toujours avec moi dans une poche sous le manteau. À vous! La la la la. Moi maintenant. Et puis j'ai grandi, je suis devenu ado. Ma mère s'est dépêchée de me trouver des boulots. Je portais des jerrycans dans une station service. Je portais adolescence, alors j'ai fait ma crise. J'ai claqué mon patron et j'ai fait mes valises. Je les ai remplies de vêtements et puis de friandises. Je suis parti sur la route, j'ai fait de l'autostop. Mais y'avait pas de voiture en ce temps-là, pas même une mob. Moi je m'en fous, je joue du flutio. Parce que tout le monde veut jouer du piano. Ouais, je m'en fous, parce que le flutio, j'ai toujours avec moi dans une poche sous les manteaux. Hey, hey. Yes! Roots! Quelques mois plus tard, je suis rentré chez moi. J'avais plus d'argent, j'étais dans un sale état. Ma mère m'a dit: Adèle, va te couper les cheveux! Je lui ai dit: Maman, tout de suite si tu veux. Je suis allé chez le coiffeur, il m'a fait une coupe au bol. J'avais l'air de Jeanne d'Arc, en beaucoup moins frivole. Ma mère m'a dit: Adèle, fais-toi pousser les cheveux. Je lui ai dit: Maman, faut savoir ce que tu veux. Alors je suis resté cloîtré dans la maison. Y'avait pas la télé, je vous jure que c'était long. Heureusement ma mère me donnait de l'occupation. La vaisselle, la cuisine, le ménage et le maçon. Et oui, car la maison était en réparation. J'ai dragué le jeune homme, toute nue dans le béton. On s'est sauvés ensemble, j'étais sur un nuage. Mais il était marié. Oh mon Dieu, quel dommage. Oui, quel dommage. Oh. Oh. Ça fait chier du routier, ça. Aidez-les, aidez-les. Vous êtes gentils. Pour endormir les enfants. Là on les réveille. Moi je m'en fous, je joue du flutio. Parce que tout le monde veut jouer du piano. Ouais m'en fous, parce que le flutio, j'ai toujours avec moi dans une poche sous le manteau. Ouais m'en fous, je joue du flutio. Parce que tout le monde veut jouer du piano. Ouais m'en fous, parce que le flutio, j'ai toujours avec moi dans une poche sous le manteau. Hey hey.